La science, CQFD, Natacha Triou. Pour ce vendredi grand portrait, on rencontre la célèbre virologue française et le prix Nobel de médecine 2008, Françoise Barré-Sinoussi, est notre invitée. Elle pourrait être panthéonisée. Il y a 40 ans, 1983, elle fait la découverte du VIH, le virus responsable du sida, maladie qui a fait plus de 40 millions de morts. Comment a été faite cette découverte? Et comment la lutte contre cette pandémie a fait progresser la science? Car l'histoire de ces 4 décennies de lutte, c'est aussi celle inédite de la recherche fondamentale qui avance, main dans la main, avec les patients et les médecins cliniciens. Françoise Barré-Sinoussi, 40 ans de lutte contre le VIH. Françoise Barré-Sinoussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes rétrovirologue, prix Nobel de médecine pour la découverte du VIH avec Luc Montagnier, présidente de l'association SIDAction. Mille merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture. C'est un honneur de vous recevoir dans nos studios. Merci à vous. Et merci à vous qui nous écoutez. Je vous invite, chers auditeurs, à nous suivre également sur Twitter pour notre live tweet. Chaque jour, on vous poste de nombreuses sources, des études pour compléter l'écoute. C'est sur notre fil @sciencesqfd. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de votre parcours, de l'histoire de cette découverte, de vos méthodes de travail, mais aussi des perspectives d'avenir. Mais pour commencer, Françoise Barré-Sinoussi, on aimerait bien que tout ça ce soit de l'histoire ancienne, mais la lutte continue. Aujourd'hui, on ne guérit toujours pas du sida. Tout à fait. Malheureusement, le sida est toujours là. L'infection par le virus du sida est toujours là, avec 38 millions de personnes dans le monde qui vivent avec ce virus. Et encore l'an passé, il y a eu 650 000 morts du sida dans le monde. Donc le combat n'est pas terminé, loin de là. Loin de là, il n'y a que 75% des personnes qui sont sous traitement aujourd'hui. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ce traitement, ça n'est pas une guérison. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Beaucoup de progrès à faire pour dépister. Dépister ceux qui ne savent pas, qui sont porteurs du virus et qui continuent à le transmettre aux autres. Et s'ils ne sont pas traités le plus vite possible, ils ne bénéficieront pas autant du traitement que s'ils sont dépistés et traités immédiatement. Oui, c'est l'un des leviers d'action les plus importants dans ce mouvement, c'est la prévention. Tout à fait, la prévention, le dépistage le plus vite possible. On estime dans un pays comme la France qu'il y a, c'est des estimations, mais aux alentours de 24 000 personnes qui portent le virus et qui ne le savent pas. L'importance du dépistage aussi, c'est l'accès grâce à ces nouveaux traitements et à ces progrès qu'on a fait, hein, Françoise Barré-Sinoussi. Tout à fait. Les traitements aujourd'hui, on sait qu'ils sont particulièrement efficaces à la fois pour la personne qui est touchée par ce virus, mais aussi c'est un bénéfice collectif puisque une personne qui est sous traitement ne transmet pas aux autres. Et je crois que là, le message n'est souvent pas encore très bien passé, de savoir qu'on peut être porteur du virus, sous traitement, avoir des relations sexuelles sans préservatif, pourquoi pas, avoir un enfant, tout ça est possible aujourd'hui grâce au progrès scientifique. Et c'est le fameux I égale I, soit indétectable égale intransmissible. Tout à fait. Françoise Barré-Sinoussi, depuis l'apparition de l'épidémie, quel regard vous portez sur ces 40 années de lutte et de découverte ? À la fois un regard extrêmement, extrêmement positif, puisque c'est vrai qu'en 40 ans, il y a eu des progrès merveilleux par rapport aux années, début des années 80, où malheureusement, on voyait ces jeunes patients, souvent jeunes, tomber comme des mouches, je dirais, et sans avoir rien à leur proposer. D'ailleurs, à l'époque, dès que le dépistage a été possible, c'était très délicat d'aller proposer aux personnes de se faire tester, de se faire dépister, alors que derrière, on n'avait rien à leur proposer. Donc, c'était une période particulièrement dramatique avant tout pour eux, bien sûr, dramatique aussi pour les soignants, le personnel soignant, pour les médecins, qui avaient ces patients sans rien pouvoir faire pour eux. Ça a été, je dirais, jusqu'à la mi-1990, réellement très douloureux pour tout le monde. On va revenir sur cette histoire-là et comment vous l'avez vécue de l'intérieur. En tout cas, aujourd'hui, par rapport justement à ces immenses progrès que vous évoquez, on peut aussi dire que le nombre de patients traités par antirétroviraux augmente, le nombre de décès recule. Ça aussi, quel regard vous portez sur ça, Françoise Barricine aussi? Alors, 75% de personnes sous traitement dans le monde, c'est un énorme progrès. C'est pas suffisant. Il reste encore 25% de personnes à traiter. Donc, on n'a pas fini le combat. Mais c'est un énorme progrès, effectivement. Une stabilisation. C'est ça qui est un petit peu préoccupant. Une stabilisation du nombre de nouveaux cas d'infection tous les ans. 1,5 million de nouvelles personnes infectées dans le monde encore l'an passé. Le même chiffre que les années précédentes. Donc on arrive à une stabilisation. Et donc il faut absolument poursuivre justement pour essayer de faire fléchir encore plus cette courbe. On sait que c'est possible. On a les outils en main. On a les outils de diagnostic, on a les outils de prévention. Et on a ce qu'il faut pour traiter, même si il y a encore beaucoup à faire pour les traitements de demain. Donc, avec ces outils-là, on devrait, en théorie, aujourd'hui, vivre dans un monde non pas sans virus, mais sans sida. Oui, le sida qui est donc la maladie. La maladie elle-même qui est provoquée par le virus. L'objectif de l'ONU est d'en finir avec le sida en 2030. C'est cet espoir ultime de mettre fin à l'épidémie, c'est réaliste? On en rêve tous. On en rêve tous et il faut absolument tout faire pour y arriver. Donc c'est un message, c'est vrai, un petit peu optimiste, mais c'est le seul moyen de continuer les efforts au niveau international pour tendre justement vers cet objectif de 2030. Continuer les efforts. Aujourd'hui, on observe aussi une diminution des dons à SIDAction. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un désintérêt du grand public? Il y a clairement un désintérêt du grand public vis-à-vis du sida. D'abord, il y a eu depuis d'autres épidémies, depuis avec la dernière en date, le Covid, bien sûr. Et donc, le grand public, grâce aussi au traitement, se dit « c'est pas très grave, il y a aujourd'hui un traitement, même si j'étais infecté, je pourrais être traité ». Alors attention, c'est des traitements quand même à vie. C'est pas si simple que ça. S'il faudrait en parler avec les personnes qui vivent avec le VIH et qui sont sous traitement, vivre au jour le jour, traité pour ce virus, pour contrôler ce virus, ça n'est pas si simple que ça. Donc je pense que les traitements sont à l'origine, c'est le côté négatif des traitements. Il y a bien sûr tout le côté positif qui est le plus important, mais aussi le côté négatif qui est se dire « c'est pas si grave que ça puisqu'on peut être traité ». On est en train de voir ça, cela dit, un petit peu pour le Covid aujourd'hui, parce qu'on voit très bien un désintérêt aussi de la population en ce moment pour le Covid. Donc c'est un peu classique, mais il faut quand même rappeler aux jeunes qu'ils doivent se protéger, rappeler aux jeunes qu'ils n'hésitent pas à aller se faire dépister. Aujourd'hui, les tests sont gratuits, on peut aller se faire dépister gratuitement. Et puis, bien sûr, être traité le plus vite possible, y compris les personnes les plus âgées. Dans l'enquête qu'on a fait à SIDAction, comme on fait tous les ans au moment du SIDAction, on s'est aperçu que quand même, il y avait à peu près 20% de personnes qui sont nouvellement dépistées, qui sont des personnes de plus de 50 ans. Donc, il n'y a pas que les jeunes. Il y a y compris la tranche d'âge qui pourtant ont vécu les années sida. Il y a aussi, et c'est quand même incroyable dans un pays comme la France, de voir que 29% des personnes nouvellement infectées sont diagnostiquées au stade sida. Stade très tardif. C'est quand même grave. Donc, ça veut dire que pendant des années, ils étaient porteurs du virus et qu'ils ont pu le transmettre à d'autres. Et puis, ils vont être traités maintenant, mais bien sûr qu'ils vont bénéficier de ce traitement, mais certainement pas aussi bien que s'ils avaient été traités très tôt. L'espérance de vie des personnes, plus on est traité tôt, plus l'espérance de vie est similaire à quelqu'un qui n'est pas infecté. Alors, parmi les grandes avancées importantes, fin 2015, les autorités françaises ont autorisé la PrEP et son remboursement. La PrEP pour prévenir une infection, ça fonctionne? Ça fonctionne merveilleusement bien. Ça fonctionne merveilleusement bien. Cette PrEP, c'est en fait les traitements qui sont utilisés pour traiter les gens, à base de Truvada notamment. Il y a deux modalités, soit prendre le traitement en continu, soit prendre le traitement de façon discontinue avant d'avoir un rapport éventuellement à risque. Les deux modalités sont possibles et cette PrEP a montré une efficacité de plus de 90% si c'est bien utilisé. Donc, tout le monde veut un vaccin. On en parlera sûrement contre le VIH. Mais en fait, on a quelque chose qui marche super bien en prévention et qui n'est insuffisamment utilisé, essentiellement utilisé dans des pays comme chez nous pour les populations gays qui demandent la PrEP. Cela dit, tout le monde ne la demande pas. On a vu une diminution de la PrEP, de la demande de la PrEP pendant la période de Covid. Donc ça, c'est inadmissible quelque part. Et les femmes utilisent très peu la PrEP. Dans le monde, il y a moins de 25% de femmes qui prennent la PrEP. Alors que la PrEP est un outil merveilleux pour des femmes, je pense bien sûr en Afrique du Sud, où les femmes n'ont souvent pas le choix lors d'une relation sexuelle, de pouvoir justement prendre un médicament pour se protéger. Quand je dis les femmes, ce sont souvent des très jeunes filles, des jeunes adolescentes qui sont les plus touchées par cette infection VIH en Afrique du Sud. Nous parlons du sida aujourd'hui, en 2023, mais pour bien comprendre l'histoire de cette pandémie, remontons un peu en arrière. Comment avez-vous fait la découverte du virus? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h12 sur France Culture, nous avons l'honneur de nous entretenir tout au long de cette heure avec Françoise Barré-Sinoussi. Nous venons de voir qu'en 40 ans, il y a d'immenses progrès en termes de diagnostic, de traitement, de prévention dans la lutte contre le sida. Pour bien comprendre comment vous vous inscrivez dans cette histoire, Françoise Barré-Sinoussi, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours. Vous êtes née le 30 juillet 1947 à Paris. Vous écrivez « Je suis issue d'une famille d'origine modeste qui ne compte ni chercheurs ni médecins ». Est-ce que vous savez d'où vous vient votre goût pour la recherche? Pas vraiment, à vrai dire. Je sais que ma mère était très attirée par tout ce qui était médical. Ça a pu probablement m'influencer. Mais aussi, par goût, je me souviens quand j'étais enfant, d'être très intéressée dans la nature, à regarder ce qui était le vivant. Le vivant n'étant pas seulement l'être humain, mais aussi les animaux, comparer le comportement de deux animaux, l'un semblant pas en forme, l'autre beaucoup plus dynamique. Tout ça, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup déjà dans mon enfance. Donc je pense qu'il y avait, et ça découle un petit peu de cela, probablement. Votre enfance et vos premiers pas dans la science, vous les racontez justement dans votre ouvrage « Pour un monde sans sida », paru chez Albin Michel en 2012. Je vous propose une lecture. Je suis une vraie citadine, née dans l'après-guerre, au cœur du 19e arrondissement, un quartier plutôt populaire, et ma famille est parisienne depuis plusieurs générations. Pour autant, comme ma mère avait une partie de sa famille en Auvergne, nous y passions les vacances. Dans cette belle campagne, je restais des heures à observer les plantes et surtout les animaux. Étant fille unique, je n'avais personne avec qui jouer et je compensais ma solitude par l'observation attentive de cet environnement naturel. Parfois, mon cousin venait me rejoindre et nous organisions des courses d'escargots qui duraient des heures. Lorsque mon escargot perdait ou ne voulait pas sortir de sa coquille, je le soupçonnais invariablement d'être malade. Il me fallait alors comprendre ce qui n'allait pas chez mon gastéropode et diagnostiquer son infection. Était-ce une manifestation précoce de mon orientation future? Je ne saurais l'affirmer. Ce qui est sûr, c'est qu'au cours de mes années de lycée, la biologie s'est imposée comme une évidence. » Françoise Barrès, sinon si je vous voyais sourire pendant cette lecture. Oui, bien évidemment, ça me rappelle des choses de mon enfance, bien agréables d'ailleurs. Mais c'est tout à fait vrai que dès l'école, dès le lycée, tout ce qui était science de la vie, j'étais hyper intéressée. Et puis, les notes étaient là derrière, sans effort. Alors que dans d'autres matières, c'était beaucoup plus pénible. Mais quelque chose donc de naturel là, dans tout ça. Exactement. Pour moi, ça a été un choix tout à fait naturel. Vous rêviez de devenir virologiste ? Non, en fait, mon premier choix, je rêvais plutôt de faire médecine. Et puis, le choix s'est fait naïvement et de façon d'ailleurs tout à fait erronée. On disait tout à l'heure, je viens d'une famille modeste et il me semblait que les études de médecine étaient beaucoup plus longues et beaucoup plus onéreuses. Donc, pour moi, je ne pouvais pas faire médecine et c'est pour ça que j'ai été orientée vers la faculté des sciences à l'époque en me disant que ça serait moins long et moins coûteux pour mes parents. C'était totalement faux hein, parce qu'au bout du compte, j'ai fait le même nombre d'années d'études. Mais je le regrette absolument pas, j'ai aucun regret en la matière, sachant que finalement j'ai eu la chance à la fois de vivre une passion et en plus d'être en relation avec le monde médical et avec mes collègues médecins. Donc aucun regret en la matière. En 1966, vous débutez donc des études de biologie à la faculté des sciences de l'Université de Paris et vous débutez la recherche au début des années 70 dans le laboratoire de Jean-Claude Sherman à l'Institut Pasteur. Vous apprenez alors à reconnaître les rétrovirus. Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur les rétrovirus ? Un hasard, si je puis dire, au départ, puisque j'étais sur les bancs de l'université et je commençais à me poser la question si j'avais fait le bon choix. Alors j'ai voulu chercher un laboratoire d'accueil à un moment où j'avais pas encore ma licence, totalement inhabituel. Donc j'en trouvais pas, les portes se fermaient ou on ne me répondait pas, jusqu'à finalement deux opportunités, celle de travailler sur le foie et les conséquences de l'alcoolisme sur le foie et l'autre qui était rétrovirus, leucémie, cancer. Et on était dans les années 70, fin 60-70 et j'avoue que rétrovirus, cancer, ça m'attirait et donc j'ai tout de suite dit oui à Jean-Claude Sherman qui a eu la gentillesse de m'accueillir. Il y a ce lien en tout cas entre maladie et agent infectieux, ce que vous décrivez dans vos deux choix. Et vous terminez par intégrer donc l'unité d'oncologie virale de Luc Montagnier. Au début, vous travaillez sur un rétrovirus de souris, responsable de cancer donc. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ensemble la différence entre rétrovirus et virus et pourquoi c'est pas tout à fait la même chose ? Alors les rétrovirus sont des virus un petit peu particuliers, ce sont des virus qui ont pour matériel génétique de l'ARN et pour pouvoir se multiplier, cet ARN doit être transformé en ADN pour pouvoir rentrer dans le matériel génétique de la cellule, sinon ils ne peuvent pas se multiplier. Et ça c'est possible grâce à une enzyme qu'ils ont et qu'on appelle la reverse transcriptase. Reverse parce qu'elle fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, c'est DNA, RNA, et là, c'est ARN, ADN. Donc, c'est quelque chose qui est totalement spécifique de cette famille de virus et qui explique pourquoi on les appelle rétro. Rétro, on va à l'envers de ce qui est habituel. Et ces virus, c'est vrai, vous le disiez, j'ai commencé à travailler sur des rétrovirus de souris parce que finalement, jusqu'à la fin des années 70, début 80, il n'y existait pas de rétrovirus humain. Oui, j'allais vous demander où en était la recherche sur les rétrovirus chez l'humain à cette époque. Il n'y en avait pas. Aucun n'avait été découvert jusqu'à la découverte d'un rétrovirus humain chez des patient atteint d'une leucémie très particulière, qu'on appelle la leucémie T de l'adulte, un rétrovirus qui a été appelé par nos collègues américains HTLV, Human T-cell Leukemia Virus. Et voilà, c'était le premier de la série. Et pourtant, des rétrovirus humains, il y en a beaucoup qui en avaient cherché sans succès. jusqu'à la fin des années 70. Et ce rétrovirus, virus HTLV isolé en 80 par l'équipe de Robert Gallo aux États-Unis, on va le retrouver dans cette histoire. Dans cette histoire, on arrive au premier cas identifié le 5 juin 1981. Le rapport hebdomadaire du Centre de contrôle des maladies d'Atlanta relève 5 cas étranges d'une forme très rare de pneumonie à Los Angeles. Il note que ces patients sont tous homosexuels et présentent un système immunitaire défaillant. On raconte qu'à l'époque, cette communauté médicale est complètement perdue. On ne sait pas quelle est la cause de cette maladie. Vous vous souvenez, vous ? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas parce qu'avant que Willy Rosenbaum et ses collègues nous contactent à l'Institut Pasteur, j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de cette maladie identifiée aux États-Unis. Donc, c'est plus tard que j'ai réalisé ce qui se passait et que j'ai réalisé en parlant justement et dans les discussions avec nos collègues qu'en fait on avait déjà essayé de rechercher si un virus parmi les virus connus si un virus pouvait être responsable de cette maladie et en fait aucun ne répondait à tous les critères pour être responsable de la maladie SIDA. Et c'est bien pour ça que nos collègues Willy Rosenbaum, Françoise Brun-Vézinet ont frappé à la porte de Pasteur parce que eux, ils avaient en tête que peut-être le fameux HTLV que je viens d'évoquer pourrait être la cause du SIDA. Et voilà, c'était le premier contact à travers avec eux et cette hypothèse d'HTLV éventuellement cause du SIDA. Et c'est ça, en 1982, les premiers cas arrivent en France, c'est là donc que Willy Rosenbaum, clinicien parisien, fait appel à vous, avec donc cette hypothèse du virus HTLV, mais dès le départ, vous n'êtes pas tout à fait convaincu par cette hypothèse-là. Ah bah dès les premières échanges et discussions avec eux, il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre hypothèse. HTLV est un rétrovirus, certes, mais il provoque une multiplication, une prolifération, comme tout, pour tous les cancers finalement, des lymphocytes, des globules blancs. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans cette hypothèse. C'est pour ça qu'on lui a dit, au lieu de partir pour rechercher un HTLV, on va peut-être prendre une approche beaucoup plus classique. On part sans dogme et on essaye d'isoler un rétrovirus à partir des cellules d'un patient sans penser à HTLV. Et finalement, c'est la stratégie que l'on a utilisée et qui a marché. Bah, mais pour mener des recherches virologiques, il faut donc isoler un virus. Mais par quoi on commence, François Barrécine aussi, comment, où est-ce qu'on regarde, quand on regardait, comment, parce que vous partez justement, de rien. C'est pour ça que les observations des cliniciens sont absolument essentielles, parce que ça nous met sur des pistes. C'est vrai que lorsque Willy Rosenbaum nous a dit que les patients atteints de SIDA n'avaient plus du tout de ces fameux globules blancs, les lymphocytes TCD4, on lui a dit on peut pas les regarder dans le sang puisqu'ils ont plus de lymphocytes CD4, ça veut dire que le virus on pourra pas l'isoler s'il est dans ces cellules là. Donc il faut trouver un autre moyen et c'est là que la réaction de Willy Rosenbaum c'est de nous dire mais ils ont, avant de développer un sida, des ganglions généralisés. Et là, nous, de réagir en disant, mais ganglions généralisés, ça veut dire qu'il y a une réponse immunitaire au niveau des ganglions, donc le virus doit être, si virus il y a, il doit être dans les ganglions. Est-ce possible d'avoir une biopsie de ganglions d'un patient ? Voyez la démarche, c'est réellement une démarche un petit peu comme un détective, si je peux dire, mais en prenant en considération, bien évidemment aussi, toutes les connaissances de la littérature scientifique, les travaux des autres chercheurs. On n'a pas voulu rechercher un HTLV, mais on gardait HTLV dans le coin de notre tête quand même, en se disant si on isole un virus, la première chose à faire sera de voir si c'est pas HTLV. Donc de comparer ce que nous isolerons avec ce fameux HTLV découvert par nos collègues américains. Les données de la littérature aussi scientifique disaient bon, et on savait, nous travaillant sur les rétrovirus, que pour les détecter ils avaient cette fameuse enzyme la reverse transcriptase, que l'on pouvait détecter dans une culture. Donc, c'est à partir de cette détection enzymatique qu'on a pu détecter la première fois le rétrovirus. Après, bien sûr, Il faut le voir en microscopie électronique. Après, il faut le caractériser. Après, il y a plein d'autres étapes, bien sûr, dont on parlera peut-être. Mais avant de parler de ces étapes, pour poursuivre cette enquête, ce polar presque, où regarder les ganglions, mais aussi à quel stade de la maladie ? Avant le sida, justement, le syndrome pré-sida de ganglion généralisé, c'est avant de la perte totale des défenses immunitaires. Et donc ça c'était important aussi de se placer dans des conditions qui n'étaient pas la phase finale de la maladie. Ça a été, je crois, les éléments clés qui nous ont permis justement d'isoler rapidement, très rapidement même, ce virus dès le premier patient. Et ça, je crois que ça démontrait déjà combien la collaboration étroite entre chercheurs et cliniciens est critique, parce que ça sort de ces discussions et de ces échanges entre nous. Cette biopsie, en janvier 1983, vous faites donc une biopsie ganglionnaire. À partir de ce ganglion, vous avez mis les cellules en culture. Et là, c'est là que vous cherchez, vous regardez cette fameuse activité reverse transcriptase. Alors ça, c'était possible aussi de mettre les cellules en culture, les globules blancs en culture, parce que peu de temps auparavant avait été découvert un facteur de croissance, qu'on appelle maintenant interleukine 2, qui permet justement aux lymphocytes d'être cultivés dans un laboratoire. Avant, tant que ce facteur de croissance n'était pas identifié, on n'aurait pas pu mettre en culture les cellules. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, importance aussi de prendre en considération l'état d'avancement de la science pour définir une stratégie. Et donc là, après la mise en culture en présence du facteur de croissance, recherche d'une activité reverse transcriptase dans les surnageants, et quelques jours après, détection effectivement d'une première activité un peu faible au départ, qui s'est confirmée dans les jours qui suivaient, jusqu'à une angoisse terrible avec une perte totale de l'activité enzymatique en question, qui correspondait à la mort des cellules que l'on voyait sous le microscope et qui nous a fait très peur en se disant « si virus il y avait, on est en train de le perdre ». Donc là, importance de prendre une décision, mais très vite, sinon c'était fichu, de les traverser la rue à l'Institut Pasteur pour aller au centre de transfusion qui existait à l'époque à Pasteur, en leur demandant s'ils peuvent nous donner une poche de sang pour en isoler les lymphocytes d'un donneur et les rajouter dans la culture du fameux patient et voir si notre culture de virus, entre guillemets, pouvait redémarrer. Et là, au miracle, oui, ça a redémarré. À nouveau, une activité enzymatique et à nouveau, même phénomène, au bout de quelques jours, les cellules qui meurent. Donc c'est là qu'on a commencé à comprendre que les deux étaient liés. La mort des cellules étaient liées à la production de ce virus dans notre culture. La culture est donc ensuite envoyée à Charlie Doguet, l'ingénieur qui faisait la microscopie électronique à l'Institut Pasteur, pour visualiser au microscope électronique des particules de type rétrovirus. Le 4 février 1983, à 17h45, il appelle l'équipe et vous, il vous dit « Venez voir, je crois que je l'ai ». Et vous, Françoise Barricine aussi, vous l'avez sous les yeux, ce virus. Comment vous réagissez ? On est tous descendus voir sous le microscope de Charlie Doguet. Et effectivement, bon, on lui avait donné quelques pistes. On lui avait dit, voilà, un rétrovirus, ça a cette taille. Un rétrovirus, ça bourgeonne à la surface de la cellule. Ça a une enveloppe. Et donc, il a vu des particules, il nous les a montrées. Et ça correspondait effectivement à tous les critères. Sauf un qu'on n'avait pas prévu, c'est-à-dire que dans ces virus, il y a ce qu'on appelle un noyau. Et ce noyau, contrairement à HTLV par exemple, il est d'habitude bien au centre. Et là, il était un petit peu de côté, excentré. Et ça, c'était un petit peu bizarre, mais par contre, tout le reste correspondait. Il y avait bien la bonne taille, il y avait bien une enveloppe, il y avait bien des bourgeonnements à la surface des cellules. On s'est dit, on verra ça plus tard, si je puis dire, quand on va caractériser ce virus, parce que de toute façon, il va falloir le caractériser et le comparer au fameux HTLV. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a encore beaucoup d'étapes entre virus et sida. C'est pas tout d'isoler un virus, il a fallu démontrer qu'il était responsable de la maladie. Tout à fait. Là, c'était, on isole un virus, est-ce que c'est lui l'agent responsable de la maladie ? Ça, point d'interrogation. Donc, il y a tout un tas d'étapes. À la fois, en parallèle, il faut caractériser ce virus, ses protéines, son matériel génétique, savoir quelles cellules il infecte, si c'est bien les lymphocytes CD4, qu'est-ce qu'il fait aux lymphocytes CD4, comment il rentre dans la cellule, par quelle protéine il arrive à rentrer dans la cellule, etc. etc. Et en parallèle, il faut démontrer que le virus est responsable de la maladie. Et cela, pour ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer d'isoler le virus chez d'autres patients, à des stades un peu plus avancés de la maladie sida, proprement parler. Essayer aussi de monter des tests de diagnostic sérologique pour voir si dans le sérum des personnes atteintes de sida, il y a des anticorps contre le virus qu'on vient d'isoler, alors que chez des donneurs de sang, chez des malades atteints de cancer, de bien d'autres maladies, il n'y a pas d'anticorps contre le virus qu'on vient d'isoler. Donc tout ça, c'est un énorme chantier. Et bien évidemment, notre réaction, c'est de dire jamais on arrivera à tout faire tout seul. Donc il faut absolument mobiliser d'autres personnes à venir travailler avec nous. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en multipliant les collaborations avec d'autres cliniciens, en multipliant des collaborations avec des immunologistes, avec des biologistes moléculaires pour décrypter le matériel génétique du virus en question. Et puis, faire appel aussi à nos collègues américains qui avaient découvert HTLV en leur disant « Vous ne pouvez pas nous envoyer des réactifs spécifiques de votre virus HTLV pour qu'on regarde s'il reconnaît ou pas le virus qu'on vient d'isoler. » Le 20 mai 1983, vous publiez vos résultats dans la revue Science. La course est lancée pour décrypter ces mécanismes, mettre au point des traitements. Une histoire collective illustrée avec justesse par le film 120 battements par minute de Robin Campillon et sa merveilleuse bande-son. On ne s'en lasse pas. Arnaud Robotini, 16h35 sur France Culture, la musique du film 120 battements par minute. Car nous retraçons 40 années de lutte contre l'épidémie avec l'une de ses actrices majeures, Françoise Barré-Sinoussi, rétrovirologue, prix Nobel de médecine en 2008, co-découvreuse du VIH et présidente de l'association SIDAction. Nous venons de voir dans un premier temps les outils et votre méthode pour isoler le virus. Maintenant, parlons de vos actions avec les associations. À l'époque, certains soignants refusaient les prises en charge. On parlait encore de maladie des 4 H pour homosexuels, héroïnomanes, d'origine haïtienne ou hémophile. Vous, Françoise Barré-Sinoussi, vous avez rapidement été en contact avec ces patients doublement touchés à la fois par la maladie et par la stigmatisation. Oui, en fait, dès 1984, je dirais, à partir de la confirmation aux États-Unis de l'identification de ce virus, il y a des patients qui, français au départ, qui venaient directement à l'Institut Pasteur parce qu'ils voulaient savoir au départ qu'est-ce que c'était que ce virus qu'on avait isolé. Ils voulaient qu'on leur explique comment il marchait, comment il se multipliait. Et puis, bien sûr, la question... comment vous allez faire pour contrôler ce virus dans notre corps. Donc c'était assez dramatique. Et puis très tôt, dès 84, il y a les associations qui ont commencé à être créées. Et AIDS, AIDS avec Daniel Defer. Et Daniel Defer nous avait contacté et j'avais commencé à aller régulièrement à l'association AIDS qui venait d'être créée pour expliquer aux militants de AIDS ce que c'était le virus et quelles étaient les prochaines étapes. Et on faisait un petit point comme ça régulièrement entre nous. Dans quelle mesure le sida a changé votre façon de faire de la recherche ? Énormément, puisqu'avant le sida, j'étais comme la vaste majorité des chercheurs, enfermés dans mon laboratoire sans réellement avoir de contact direct ni avec les patients et peu avec le monde médical. Et puis, du jour au lendemain, forcément, il y a eu cette relation. Et donc, pas à pas, ça s'est fait naturellement aussi. C'est de se dire, là, il faut qu'on réponde à l'attente des patients. On est là et c'est notre devoir de travailler pour et... rapidement, ça a été avec. C'était pas seulement pour. Et ça a été extrêmement important parce que dans les recherches que vous faites, vous pouvez aussi réorienter la stratégie que vous envisagez pour essayer d'identifier, par exemple, un mécanisme par lequel le virus se multiplie. Quand vous faites relire le projet à des personnes concernées, il va vous faire des remarques. Et les remarques, vous devez les prendre en considération. Non seulement vous devez, mais c'est qu'en plus, on s'aperçoit que ce sont des très bonnes remarques auxquelles on n'avait pas pensé et qu'il faut prendre en considération pour notre projet de recherche. Donc, ça nous fait évoluer favorablement, je dirais, les programmes de recherche. C'est pour ça que c'est important de travailler avec et pour, de revoir un petit peu les grandes orientations aussi de nos propres laboratoires en fonction de l'attente des personnes concernées elles-mêmes. Par rapport au traitement en 1987, AZT, première molécule qui montre une petite efficacité antivirale contre le VIH, mais pas suffisante, vous, à cette époque, comment vous vivez ça, Françoise Barré-Sinoussi ? Ça va pas assez vite ? Ça va vite ? Comment dans cette urgence-là, à partir des premiers... Je dirais ça va à la vitesse, je dirais, classique de la science. Mais en tant que chercheur, je suis obligé de faire ce constat. En tant qu'être humain, ça ne va pas assez vite. Parce que, bien évidemment, dès l'instant où s'est créée cette relation entre les chercheurs et puis les personnes concernées, forcément, le côté humain prend le dessus, quelque part, par moment, vis-à-vis du chercheur, et en se disant et en sachant bien que la recherche n'avancera pas suffisamment vite pour leur permettre de survivre. Et donc, c'est hyper dur, humainement parlant. Dans cette lutte frénétique face au virus et la maladie, au début des années 80, vous étiez heureusement entouré par vos collègues et camarades, à la fois dans la recherche et la clinique, parmi eux Jean-François Delfrécy, qui à vos côtés a fait partie de cette génération pionnière dans l'étude du sida. Pour le reportage du jour, vous avez eu la chance de le rencontrer pour recueillir son témoignage. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha, oui, je l'ai retrouvé au siège du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé qu'il préside depuis 2017. Alors comme vous, Françoise Barré-Sinoussi, il s'est dévoué à la recherche médicale et à la prise en charge des patients dans le champ de l'immunologie. Une période éprouvante pour lui, mais stimulante et riche d'enseignements, tant dans la manière de repenser la méthode scientifique en liant le fondamental à la clinique, que dans la gestion de crise sanitaire auprès des décideurs de santé publique. Des savoir-faire qu'il a su mettre en œuvre tout au long de sa carrière et encore récemment à travers la crise Covid. Moi j'étais en 80-83, je revenais des États-Unis, j'étais donc immunologiste plutôt fondamental. J'avais un peu quitté la clinique. J'ai d'ailleurs complètement basculé ma carrière, qui a complètement changé. J'ai quitté l'immunologie fondamentale et je suis passé plus à l'immunologie clinique et à la prise en charge des patients VIH. Et ce qui m'a frappé chez Françoise tout de suite, après, dans la collaboration qu'on a pu avoir, c'est qu'elle avait une vision très, très globale. C'est-à-dire qu'elle était issue du milieu de recherche fondamentale, mais que très vite, elle s'est intéressée à ce qu'était cette nouvelle maladie, qui est, comme toute grande maladie, toute nouvelle pandémie, un enjeu aussi politique, sociétal et évidemment citoyen. Et on a eu la chance, parce que... Voilà, c'était une nouvelle maladie, on avait un peu de temps devant nous. Enfin, le temps était à la fois très, très compté, puisqu'on avait malheureusement des patients qui décédaient beaucoup, mais on savait que c'était une notion du temps. C'est la très grosse différence, par exemple, par rapport au Covid, hein, où la notion de temporalité n'est pas la même. Et on a pu construire ce partage, entre guillemets, entre fondamental et clinique. Pour un peu accentuer ce propos, vous diriez aujourd'hui que c'est à travers cette pandémie du sida, donc au début des années 80, que vraiment une sorte de prémisse de la médecine translationnelle a pu se développer avec une interaction féconde entre la recherche fondamentale et la clinique. Oui, il y a eu trois points. Cette interface entre fondamentale et clinique. Un deuxième point, c'est se rendre compte que, et ça a été très fort hein, pour ma génération de médecins, que la maladie n'était pas celle des médecins, mais qu'elle était celle des patients. Et que c'était eux qu'on devait écouter, et que nous étions là pour les aider, pour les accompagner, mais que ce n'était pas notre maladie. Hein. Et c'était un paradigme qui n'était pas si facile que ça à l'époque. Et puis le troisième, on s'est très vite rendu compte aussi, et Françoise également, hein, que voilà, il y avait un enjeu politique à la fois au sens prise en charge des citoyens, mais faire comprendre aussi aux décideurs politiques et aux autorités politiques qu'il fallait financer la recherche clinique sur le sujet. Pour faire un parallèle avec ce qu'on a vécu il y a 3 ans, est-ce que vous avez senti dans l'émergence de la Covid des caractéristiques communes avec le sida, même si on est... C'est très difficile. Hein, je pense que la temporalité n'est pas la même. Là, je rappelle que VIH-Sida, ça démarre en 80, le virus est découvert en 83, et que les trithérapies qui permettent de changer complètement la donne arrivent à partir uniquement de 95-96. Donc il a fallu 14 ans. Hein. Et qu'ensuite, il y a la prise en charge dans les pays du Sud qui se met en place dans les années 2000. Donc on est là, on compte en dizaines d'années. Sur le Covid, c'est beaucoup plus court, hein. Il y a eu la découverte d'un vaccin de façon assez tout à fait inespérée, remarquable, en très peu de temps. On a tiré des leçons. Hein. Si je regarde finalement dans les grandes démocraties, qui s'est occupé du Covid au niveau recherche et science, c'est beaucoup d'équipes qui étaient déjà impliquées dans le VIH. Hein. D'ailleurs, ça nous a tous formés à savoir répondre à la crise dans une certaine mesure. Et puis il y a des choses qui ont été très différentes et où on n'a pas su bien tirer les leçons, c'est justement la place des associations, la place des citoyens, toute cette construction, et qui peut s'expliquer, le Covid touche tout le monde, mais plutôt les personnes âgées, plutôt les pays riches. Avec le VIH, on était dans des populations beaucoup plus à risque, hein. Initialement les homosexuels, les usagers de drogue, les transfusés. même si après on s'est bien aperçu que c'était aussi une maladie de transmission hétérosexuelle. Et puis on n'a pas su, parce que ça a été très vite, parce qu'il y a eu ce premier confinement extrêmement dur, on n'a pas su suffisamment convaincre les politiques que cette vision citoyenne était fondamentale, et je le regrette. Françoise, donc je l'avais connue tôt, mais ensuite on a beaucoup travaillé ensemble, à la fois sur pour monter l'ANRS, elle a été présidente de la Société internationale du SIDA, l'IAS, et moi j'étais directeur de l'ANRS à ce moment-là, donc on a beaucoup porté, je dirais, la vision de la Maison France au niveau international, hein, dans la compétition internationale, en particulier par rapport aux Américains, mais pas que. On s'est beaucoup intéressé ensemble à la recherche dans les pays à ressources limitées. On a copiloté deux sites ANRS à la fois au Vietnam et au Cambodge. C'est une longue collaboration. C'est une très longue amitié, hein, qui s'est créée avec à la fois une certaine forme de tendresse que j'ai pour elle. On a toujours envie un peu de la protéger. Et inversement, on s'engueule tout le temps. Mais c'est Françoise. C'est Françoise qui a une très grande honnêteté intellectuelle, qui a cette grande ouverture entre passage de pont entre fondamental et clinique, et puis qui dit ce qu'elle pense devant un ministre, devant un président de la République, et ça m'a toujours beaucoup plu, à vrai dire, et voilà. Donc oui, je suis un inconditionnel de Françoise Barrissine aussi. François, je te pose la question, tu me la poses souvent à moi aussi, donc je te la pose à toi. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Quand est-ce que tu vas te reposer un peu? Et inversement, en te posant la question, je connais la réponse, tu ne t'arrêteras pas. Est-ce que Jean-François Delfrécy a raison? En grande partie, oui, mais avec la différence que moi, j'ai commencé quand même à lever le pied très sérieusement depuis surtout le Covid d'ailleurs, depuis l'après-Covid. Ça m'a aidé à prendre la décision de dire non, ça va, ça suffit. Ça ne veut pas dire ne plus avoir du tout d'activité. Je pense que ça serait ridicule et c'est pas bon de ne pas avoir d'activité. Mais quand même, j'ai pris la décision de ne plus voyager, j'ai pris la décision de ne plus accepter de nouveaux engagements. Donc ça va, il m'en reste, mais de façon modérée. Oui, et puis présidente de SIDAction. Oui, bien sûr. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h47 sur France Culture. Nous nous entretenons tout au long de cette heure avec Françoise Barrissinoussi. Nous venons de voir comment, grâce à vous, une communauté VIH s'est créée à l'époque dans l'adversité entre soignants, scientifiques et patients. Le 6 octobre 2008, vous êtes récompensé aux côtés de Luc Montagnier par la plus prestigieuse consécration scientifique, le prix Nobel de médecine. Vous devenez la troisième femme en 2008, hein, la troisième femme française à être récompensée par un prix Nobel et la première en médecine. Mais à l'époque, vous n'y croyez pas. Absolument pas. J'étais au Cambodge au moment de l'annonce et j'avoue que quand mon téléphone a sonné, qui était une de vos collègues de France Inter d'ailleurs, qui m'appelait pour savoir si je connaissais la nouvelle, je n'en revenais pas, à tel point que je lui ai dit au téléphone que c'était probablement une erreur et j'ai raccroché. Pour moi, ça n'était pas du tout envisageable et c'est mes collègues autour de moi qui étaient en réunion et qui m'ont dit « 1-1 ». Donne-nous ton téléphone, s'il te plaît. Et effectivement, le téléphone a recommencé à sonner, et c'était bien vrai. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pour moi, c'était comme un mirage. Vous dites aussi hein, que vous ne vous attendez pas à recevoir un prix Nobel, car vous estimiez que le travail était inachevé pour recevoir une telle récompense. Tout à fait, et tout à fait, je le pense toujours, quelque part. Je le pense toujours, puisque certes, on a fait d'énormes progrès, on en a parlé tout à l'heure, mais il n'y a toujours pas de traitement qui permet de guérir et il n'y a toujours pas de vaccin. Donc pour moi, le travail est inachevé et on est toujours, on l'a dit au début, dans un monde avec le sida et pas sans sida. Donc c'est un travail inachevé. Ce travail inachevé tout de même. Vous avez dit aussi quelque chose que je trouve très fort. Le moment le plus important pour moi n'a pas été le moment de la découverte du virus, mais celui de l'arrivée des trithérapies qui permettaient pour la première fois aux patients de vivre avec le VIH. Oui, c'était le moment, je pense, pas seulement pour moi, à vrai dire, je pense que toute la communauté scientifique et médicale, on a soufflé à ce moment-là, en se disant, enfin, ils peuvent vivre. Enfin, ils peuvent vivre, et enfin, ça va nous laisser un petit peu plus de temps à nous, non pas nous poser et nous reposer, mais à réfléchir pour les étapes d'après, pour essayer de définir d'autres stratégies pour les traitements, pour des marqueurs de suivi des patients sous traitement, pour essayer aussi de trouver, bien sûr, un vaccin. Alors ce que vous dites également, c'est que vos années noires, c'est jusqu'en 1996. 96, c'est l'arrivée des premières trithérapies avec la mise sur marché de deux nouvelles classes d'antirétroviraux. On en parlait tout à l'heure, vous dites l'énorme limite, c'est que ces patients sont obligés de prendre ces traitements à vie. Pour quelles raisons d'ailleurs on ne peut pas arrêter de prendre ces traitements? Alors on ne peut pas arrêter de prendre le traitement parce que le virus reste caché dans les cellules de leur corps. On parle de virus latent. Et dans les lymphocytes T, CD4, bien sûr, de ces personnes, mais pas que, d'ailleurs. Aussi dans d'autres cellules de l'immunité. Et donc, ces cellules-là, elles restent cachées dans différents tissus de l'organisme. Quand je dis différents tissus, mais elles sont un peu partout. Elles sont bien sûr présentes dans le sang, mais elles sont présentes au niveau du cerveau, elles sont présentes au niveau de l'intestin, elles sont présentes au niveau des ganglions, elles sont présentes au niveau de la rate. Bref, ces cellules qu'on appelle réservoirs, qui contiennent ce virus caché, on n'arrivera jamais, je pense, à totalement les éliminer. Même si faut essayer de diminuer le plus possible la quantité de ces réservoirs viraux. Et c'est un petit peu l'un des objectifs aujourd'hui de ces recherches d'un traitement cure, comme on dit. Mais personnellement, je préfère dire rémission persistante que cure. Mais ces réservoirs viraux, ce sont d'ailleurs un axe de recherche très important. Hein. On les connaît de mieux en mieux quand même aujourd'hui, Françoise Barécine aussi. On les connaît de mieux en mieux. On a encore à apprendre sur les mécanismes par lesquels ce virus persiste. Parce que même quand on essaye de réveiller ce virus dormant dans le matériel génétique de la cellule, une partie de ces virus s'est réveillé et va se multiplier, est capable d'aller d'ailleurs affecter d'autres cellules s'il n'y a pas de médicaments antirétroviraux. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenir les traitements. Mais on n'active pas tout et on ne comprend pas encore tout. Par exemple, on sait que ces réservoirs, en particulier certains lymphocytes CD4, ils ont la capacité de proliférer, de multiplier. Et on revient d'ailleurs au début de notre conversation, comme des cellules cancéreuses. D'où l'importance, je dirais, de faire de la recherche entre disciplines et de travailler les gens du VIH avec les cancérologues, avec les spécialistes dans le domaine du cancer, pour essayer de trouver des stratégies en commun. Sur ces stratégies en commun, aujourd'hui, nous n'avons donc ni vaccin thérapeutique qui guérirait d'une infection, ni vaccin de prévention qui empêcherait une infection. 40 ans de recherche, on en est où d'ailleurs dans cette quête de vaccin? Le problème majeur, c'est justement ces réservoirs de virus latents. Alors ça, c'est pour le vaccin thérapeutique. Mmh. Normalement, le vaccin, quand on parle vaccin, c'est préventif. Vaccin thérapeutique, on en parle beaucoup aujourd'hui. Maintenant, j'aime pas beaucoup mélanger parce que le grand public est souvent perdu. Mais bref, les vaccins thérapeutiques, c'est pour moi, c'est plutôt une immunothérapie, c'est-à-dire un traitement qui va jouer sur la réponse immunitaire. Alors ça, c'est des recherches qui sont absolument en cours aujourd'hui. Il y a plusieurs approches, mais vous avez probablement entendu parler des patients qui reçoivent des greffes de moelle, qui sont des patients porteurs du virus. Les trois cas de guérison. Voilà, il y a trois cas de guérison. Le fameux patient de Berlin, le patient de Londres et le patient de Düsseldorf. Ces stratégies-là, c'est pas possible de le faire à large échelle. Mais par contre, on peut apprendre de ces patients, justement, comment ils ont réussi à contrôler leur virus pour essayer de définir des stratégies de demain. Et puis, le vaccin maintenant préventif. Ce vaccin préventif, lui, pour l'instant, c'est un petit peu le point mort. Les derniers essais d'efficacité qui étaient en cours ont montré une efficacité du dernier essai en question. Donc, il faut reprendre un petit peu toute la stratégie vaccinale. Alors, bien sûr, il y a les fameux vaccins ARN qui ont bien marché pour le Covid, qui sont à l'étude pour le VIH. Personnellement, je n'y crois pas trop parce qu'on est en face à des virus totalement différents. C'est beaucoup plus complexe, à mon avis, pour le VIH que ça ne l'est pour le fameux SARS-CoV-2. Mais il faut surtout, je pense, retourner aux fondamentaux de la science en immunologie pour mieux comprendre les mécanismes par lesquels un vaccin doit fonctionner pour être protecteur. Alors ça, à propos des trois seuls cas de guérison décrits jusqu'à présent, on n'a pas le temps de revenir là-dessus, d'autant plus qu'on nous a fait une émission avec la science CQFD que je vous invite à écouter pour bien comprendre pourquoi justement ces greffes ne sont pas des solutions qu'on peut appliquer à tous. Mais selon vous, Françoise Barré, quelles sont selon vous les lueurs d'espoir? On a aussi entendu dans différentes émissions consacrées au VIH dans la science CQFD, de nombreux espoirs sur justement un vaccin anticorps monoclonaux qui cible les cellules dendritiques. Oui, c'est une approche qui est utilisée notamment en France pour essayer d'éduquer, si je puis dire, ces cellules dendritiques à dire aux autres de faire des anticorps et à dire à d'autres cellules d'aller tuer les cellules qui sont infectées par le virus. Donc c'est une approche. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'essai d'efficacité qui a démarré sur ces sujets. Je pense personnellement que ça n'empêche pas. C'est encore ciblé sur anticorps et sur cellules T. C'est bien, mais il faudra sûrement ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et c'est ce quelque chose qu'on n'a pas compris qu'il faut absolument que les jeunes immunologistes travaillent dessus. Mais vous parlez de jeunes immunologistes, on arrive à la toute fin de cette émission. Est-ce que vous avez un conseil pour les étudiants, les étudiantes qui aimeraient se lancer dans la recherche? On sait aujourd'hui qu'on pâtit d'une défiance vis-à-vis de la science. Enfin, est-ce que vous avez un message à faire passer à ce sujet? Le message pour eux, c'est de se dire, si vous êtes motivés par la science pour apporter un bénéfice aux autres, parce que c'est ça le plus important, c'est pas soi-même. Et venez à travailler dans le milieu biomédical. Vous verrez que vous aurez une carrière absolument merveilleuse parce que vous apprendrez énormément, énormément des autres pour lesquels vous travaillez et avec lesquels vous travaillez. Et en plus, vous aurez l'impression, comme c'est mon cas, je pense, en fin de carrière, de se dire que vous avez eu une vie bien remplie et vous avez appris énormément. Merci Françoise Barré-Cine aussi pour ce témoignage. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Nafi Terras, Garance Préma Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Dalia. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.